Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle leçon avancée sur FrenchPod.com, moi c'est Christella. Bonjour à tous chers amis de FrenchPod, je m'appelle Amaury. Et aujourd'hui, on a une leçon sur le réchauffement climatique. En effet, donc nous avons une leçon vraiment importante, essentielle. Oui, exactement, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité, on entend parler tout le temps, que ce soit dans les journaux, les infos, c'est même au cœur de la plupart des conversations de nos jours, c'est vraiment devenu un thème auquel on ne peut pas échapper. Et donc, on ne va pas y échapper non plus sur FrenchPod.com. Au cas où un jour, vous avez envie de pouvoir discuter de ce sujet en français, dans la leçon d'aujourd'hui, on va vous donner toutes les clés, tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir avoir de grandes discussions philosophiques, ou non d'ailleurs, sur l'environnement. Alors, vous êtes prêts? On écoute le dialogue tous ensemble. Tu ne vas jamais me croire, Arthur. Mais je viens d'apercevoir ta voisine en petite tenue sur son balcon. Avec le temps qu'il fait depuis le début de l'hiver, elle se pavane ainsi tous les jours comme si on était en plein été, au point que ça me laisse de marbre. C'est vrai qu'il fait anormalement chaud. Ce n'est donc pas des blagues, ces histoires de réchauffement climatique. On dirait que non. Hier, je suis tombé sur une émission qui présentait les principaux signes de cette transformation. Déjà tangible à l'heure actuelle. Je ne te dis pas comment j'ai flippé. Je l'ai vu aussi. Les journalistes ont bien tout détaillé. Le réchauffement des océans, la fonte de la banquise, l'élévation du niveau de la mer, les cyclones tropicaux, le recul des glaciers de montagne. C'est pas rassurant tout ça. À qui le dis-tu ? Je n'en ai pas fermé l'œil de la nuit. D'autant plus que les êtres humains sont responsables. Nous n'avons pas affaire à un réchauffement planétaire identique à ceux que la Terre a connus précédemment. C'est clair. Les scientifiques estiment que les océans et les forêts ne peuvent absorber que la moitié du gaz carbonique que l'humanité rejette dans l'atmosphère. Il faut que nous réduisions les émissions de gaz à effet de serre, comme cela a été décidé lors de la signature du protocole de Kyoto, ratifié par de nombreux pays. En utilisant les énergies renouvelables comme l'énergie solaire, la géothermie ou encore le vent, au moyen des éoliennes. Et gardez le moral, car je persiste à croire que nous avons les moyens d'inverser la tendance. Alors le dialogue d'aujourd'hui, bon, je vous le dis tout de suite, les deux voix que vous venez d'entendre, ce sont les voix d'Amaury et moi. Et je peux vous dire qu'on s'est bien amusés en enregistrant le dialogue, en essayant de faire des voix de très très très grandes personnes. Pour montrer également que tout le monde est concerné. Ouais. Exactement. Donc au début du dialogue, on voit cette dame qui va rendre visite à son ami, à son pote, et qui juste avant d'arriver chez lui, a aperçu la voisine d'Arthur, de ce monsieur, en petite tenue sur son balcon. En petite tenue, alors. Oulala. Tout simplement, alors tenue, vous connaissez le terme tenue, comme tenue vestimentaire, c'est-à-dire relatif à la manière dont on est habillé. Et quand on est en petite tenue, en fait, ça veut dire tout simplement qu'on est très peu habillé, très peu vêtu. Par exemple, si on est en sous-vêtements, on peut dire qu'on est en petite tenue. Et donc la voisine, elle se pavane ainsi sur son balcon tous les jours. Alors, le dialogue se situe en hiver, donc c'est quand même assez étonnant. C'est d'ailleurs pour ça que la voisine en parle. Et se pavaner, ça signifie marcher de manière fière, avec orgueil, déambuler avec orgueil. On imagine qu'elle va être jolie. Elle doit être jolie, mais maintenant elle le fait tellement souvent que ça laisse Arthur de marbre. C'est-à-dire que ça le laisse complètement indifférent, ça ne lui fait plus aucun effet. Voilà, il est insensible. Devenu insensible au charme de sa voisine. Mais en tout cas, il est clair que cette situation n'est pas normale, il fait anormalement chaud. Alors ce dialogue situé en France, où en général en hiver, bah, il fait froid, il fait quand même assez froid. Ouais, c'est assez rare qu'on se pavane en petite tenue sur son balcon en hiver en France. Exactement, et donc cette situation n'est pas normale, elle n'est pas habituelle. Et donc, ils en viennent à parler du réchauffement climatique, du réchauffement de la planète. Et Arthur dit qu'il est tombé sur une émission qui présentait les signes de cette transformation, de ces changements. Et donc, quand on dit tomber sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est découvrir ou rencontrer par hasard ou par accident. Oui, c'était peut-être pas son intention de la regarder, mais en regardant la télévision hier, voilà, en zappant, il est tombé sur cette émission. Et il dit qu'il a flippé. Alors j'aime beaucoup ce mot flippé que j'utilise beaucoup et qui d'ailleurs n'est pas très utilisé par les personnes âgées, mais très utilisé par les jeunes. Je pense que le meilleur moyen de vous l'expliquer, c'est de vous dire tout simplement qu'en anglais, on dirait to freak out. Donc ça m'a fait flipper, ça m'a trop fait flipper, it totally freaked me out. Et donc, il n'est pas le seul à avoir vu cette émission, il y a aussi son amie qui l'a vue. Alors, elle explique tout ce qui a été détaillé dans l'émission, et notamment la fonte de la banquise. Alors, ce mot-là, fonte, ça vient tout simplement du verbe fondre. Alors, la fonte, ça veut dire simplement lorsqu'une matière solide passe de cet état solide à l'état liquide. Et ici, en fait, c'est la fonte de la banquise. Et donc, la banquise, c'est ces glaciers, mais non pas les glaciers de montagne. La banquise, ce sont les glaciers qui se trouvent dans la mer, dans les océans. Donc, au Groenland, nous avons la banquise. En Antarctique, il y a aussi la banquise. Exactement. Au pôle Nord également. Et donc, cette banquise diminue puisqu'elle fond. Tous ces signes sont assez alarmants, à tel point que Arthur n'en a pas fermé l'œil de la nuit. Alors, tout simplement, c'est une expression vraiment très imagée. Tout simplement pour dire qu'il n'a pas réussi à bien dormir, tellement il y a pensé, tellement il était anxieux et tellement ça l'a inquiété de voir cette émission. Il n'a pas réussi à bien dormir. Pour vous donner un exemple, on peut dire « Mon petit ami est parti en vacances avec son ex-petit ami et j'en ai pas fermé l'œil de la nuit. » Généralement, c'est quand on a des soucis. Voilà, ou quand on est inquiet. Et donc, ils en discutent. Et ils parlent d'un point important concernant ce thème, qui est les émissions de gaz à effet de serre. Donc, les émissions, par exemple, de dioxyde de carbone, de ces gaz qui participent très activement au réchauffement de la planète. Et ils disent qu'il faut les réduire, comme cela a été décidé lors de la signature du protocole de Kyoto, qui a été ratifié par de nombreux pays. Alors, ratifier, ça signifie approuver, confirmer, un engagement, un traité. Et il est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du protocole de Kyoto et que pour beaucoup de pays, ça semble être vraiment la voie à suivre pour que la situation puisse avancer, puisse s'améliorer. Et oui, donc comme tu l'as dit, ça viendrait en grande partie de ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas à faire un réchauffement planétaire identique à ceux que la Terre a connu précédemment. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans la même situation. Il y a déjà eu des réchauffements planétaires, mais qui, eux, étaient naturels. Ici, nous avons affaire à un réchauffement qui est probablement causé par l'homme. Tout à fait. Et donc, nous cherchons de plus en plus à trouver d'autres moyens de produire de l'énergie sans faire de mal à notre chère planète, notamment en utilisant des énergies renouvelables. Alors ici, on parle de la géothermie et je reconnais que je ne connaissais pas du tout ce terme. C'est en fait l'énergie qui est générée par la Terre. Oui, c'est une forme d'énergie tout à fait naturelle et qui pourrait être une solution pour produire de l'électricité, par exemple. Voilà, il y a aussi d'autres moyens, notamment les éoliennes. Oui, alors ça simplement, ce sont des machines qui utilisent la force du vent pour produire de l'énergie, et notamment, encore une fois, de l'électricité. Donc ce sont vraiment des idées fantastiques qui donnent envie, comme dit l'ami d'Arthur à la fin du dialogue, de garder le moral. Voilà, il ne faut pas être défaitiste, il faut croire qu'on peut y arriver. Exactement, alors garder le moral, en fait ça vient de l'expression « avoir le moral ». Donc ça veut dire continuer à avoir le moral et même être encore plus motivé, être encore plus positif. Et bien sur cette note positive, on va réécouter nos deux chers amis. Tu ne vas jamais me croire, Arthur, mais je viens d'apercevoir ta voisine en petite tenue sur son balcon. Avec le temps qu'il fait depuis le début de l'hiver, elle se pavane ainsi tous les jours comme si on était en plein été, au point que ça me laisse de marbre. C'est vrai qu'il fait anormalement chaud. Ce n'est donc pas des blagues, ces histoires de réchauffement climatique. On dirait que non. Hier, je suis tombé sur une émission qui présentait les principaux signes de cette transformation, déjà tangible à l'heure actuelle. Je ne te dis pas comment j'ai flippé. Je l'ai vu aussi. Les journalistes ont bien tout détaillé. Le réchauffement des océans, la fonte de la banquise, l'élévation du niveau de la mer, les cyclones tropicaux, le recul des glaciers de montagne. C'est pas rassurant tout ça. À qui le dis-tu ? Je n'en ai pas fermé l'œil de la nuit. D'autant plus que les êtres humains sont responsables. Nous n'avons pas affaire à un réchauffement planétaire identique à ceux que la Terre a connus précédemment. C'est clair. Les scientifiques estiment que les océans et les forêts ne peuvent absorber que la moitié du gaz carbonique que l'humanité rejette dans l'atmosphère. Il faut que nous réduisions les émissions de gaz à effet de serre, comme cela a été décidé lors de la signature du protocole de Kyoto, ratifié par de nombreux pays, en utilisant les énergies renouvelables comme l'énergie solaire, la géothermie ou encore le vent, au moyen des éoliennes. Et gardez le moral, car je persiste à croire que nous avons les moyens d'inverser la tendance. Alors je te dis très honnêtement, Amaury, je n'ai jamais autant entendu parler d'un protocole que du protocole de Kyoto. Depuis qu'il a été négocié en 1997, on en entend parler vraiment très souvent, et notamment depuis qu'il a été ouvert à ratification en 1998, et donc où la possibilité a été donnée à chaque nation sur cette planète de ratifier le protocole de Kyoto, qui a pour but de réduire les émissions de dioxyde de carbone de gaz à effet de serre d'ici 2012. Si on en a autant entendu parler, c'est parce que c'était vraiment le premier pas significatif réalisé par les pays dans le monde, parce que ça a été la première grande prise de conscience des pays dans le monde, comme quoi il fallait faire quelque chose pour endiguer ce problème qu'est le réchauffement climatique, de peur que les conséquences ne soient vraiment dramatiques pour la Terre, pour l'humanité, dans les années à venir. Voilà, et qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le protocole de Kyoto est entré en vigueur en 2005, et qu'aujourd'hui, plus de 170 pays l'ont ratifié. Oui, après, il faut voir s'ils le respectent vraiment. Mais c'est vrai qu'ils ont pris des décisions assez positives. C'est vraiment symbolique qu'un État ratifie le protocole de Kyoto, c'est-à-dire l'État, le gouvernement, reconnaît que oui, il y a un problème, oui, il faut prendre des décisions, oui, on a décidé d'agir. Mais le problème est que les États ont des difficultés à respecter les termes de ce protocole, et c'est pour ça que cette année, en 2009, un second volet va être ouvert à Copenhague, au Danemark, et donc ils se réunissent à nouveau pour faire que les décisions prises à Kyoto soient respectées ou encore améliorées. Bah c'est très bien, en tout cas si vous voulez en savoir plus sur le protocole de Kyoto, vous pouvez aller sur le site de la CCNUCC. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ça, la CCNUCC? En fait c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En anglais c'est la UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Et sur ce site internet, vous allez pouvoir trouver le texte du protocole de Kyoto qui a été traduit dans les six langues officielles des Nations Unies, c'est-à-dire en anglais, français, chinois, espagnol, russe et arabe. On va d'ailleurs mettre le lien sur la page de discussion qui a été créée pour cette leçon. Et n'oublions pas qu'on peut chacun lutter contre le réchauffement climatique, apporter notre petite contribution en faisant des petits gestes journaliers. Par exemple, prendre les transports en commun, moins prendre la voiture, essayer de ne pas trop gaspiller d'eau. Ne pas gaspiller l'électricité, trier ses poubelles. Trier ses déchets, et puis plein d'autres idées. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à venir sur le site frenchpod.com. Nous laisser des commentaires, nous donner des idées. Moi, personnellement, j'essaye aussi d'apporter ma petite contribution. Mais il y a peut-être des choses que je ne fais pas ou dont je ne suis pas au courant, tout simplement. Donc ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur la question. Voilà, donc on espère que cette leçon vous a plu et on espère vous retrouver sur la page de discussion. À très bientôt. Au revoir tout le monde.